Comment inventer l'ADN d'une région pour promouvoir des grands crus? Je suppose que si vous n'êtes pas amateur ou amatrice de bon vin, la Paulée de Meursault ne vous dira rien. Pourtant, chaque année, c'est l'un des plus grands événements de la saison viticole en Bourgogne. Un banquet est organisé le troisième lundi de novembre au château de Meursault, en Côte d'Or, qui rassemble aujourd'hui 800 convives venus du monde entier. Des producteurs de vin, des négociants, des journalistes, mais aussi des célébrités du monde des lettres, car le prix de la Paulée de Meursault est remis à cette occasion. De grands écrivains de notre temps, comme Jean d'Ormesson, Patrick Poivre d'Arvor, Irène Frein et bien d'autres ont été les heureux lauréats de ce prix. Ils ont reçu en récompense 100 bouteilles de Meursault, 20 d'appellation d'origine contrôlée. Les animateurs et les journalistes chargés de la promotion de l'événement répètent à l'envi qu'il s'agit d'une fête traditionnelle, car la coutume voulait qu'en Bourgogne, à la fin des vendanges, le propriétaire de la vigne offre à ses ouvriers un banquet qu'on appelait la Paulée. Si vous consultez par exemple le site dijonbeaune.fr, vous pourrez lire que ce sont les vignerons du village qui font vivre une tradition ancrée dans ses racines viticoles et familiales. C'est le plus bel hymne à la Bourgogne, à son histoire, à son travail de la terre et de la vigne. Davantage qu'une fête hors norme, la Paulée de Meursault représente l'ADN même de la Bourgogne. Pour le moment, je me contenterai de rappeler que cette tradition, présentée comme ancestrale, a été relancée en 1923 par le comte Lafont, un des plus grands propriétaires de vignes de la région, en la déformant pour l'adapter au bouleversement de l'économie viticole. Comme l'a montré Gilles Laferté, en Bourgogne, la loi de 1919 sur les appellations d'origine, élaborée pour répondre aux difficultés d'une filière minée par la surproduction et les fraudes, a provoqué de fortes tensions entre les propriétaires et les négociants. Ces derniers voulaient qu'on abandonne les appellations de village en instaurant un système de marques privées à la manière du champagne. Ce qui a suscité la riposte des gros propriétaires, désireux de restreindre les appellations aux frontières de leur village. Finalement, les négociants ont perdu cette bataille en 1935 avec le système des appellations d'origine contrôlée. C'est le territoire du propriétaire qui a été officiellement consacré. L'invention de la tradition de la Paulée de Meursault a donc été un moyen de légitimer la stratégie des propriétaires. Alors qu'autrefois, cette fête avait lieu en septembre, à la fin des vendanges, pour récompenser les ouvriers viticoles, elle a été déplacée en novembre pour s'adapter aux exigences du commerce et de la publicité. La fonction initiale de la Paulée a donc été niée. Mais elle a attiré les journalistes présents dans la région pour les fêtes viticoles et la foire gastronomique de Dijon. Dès 1934, les journalistes de toute la presse spécialisée, mais aussi des grands quotidiens nationaux et internationaux, comme le New York Times ou le Daily Mail, étaient présents ce jour-là à Meursault pour célébrer l'ADN bourguignon.